Je me pose un peu, hein. Je suis toujours connecté, mais je vous écoute. Hein. Je vous dis peut-être dans 5 minutes, je me pose un peu. A plus. Ouais, c'est ça, tu l'offres, ouais. On m'étend, on va pas, so cool. Putain de calboche, putain de caldoche. Putain, so cool, c'est so cool, t'en vas pas. On vient d'arriver, on est chez Yann. On est chez Yann, on a mangé plein de champignons. Putain, on n'est pas obligé de le dire ça. Putain, ce cool, t'en vas pas. Putain, ce cool, t'en vas pas. Putain, ce cool, t'en vas pas. Putain, ce cool, t'en vas pas. Putain, ce cool, t'en vas pas. Ce cool, t'en vas pas. Ce cool, t'en vas pas. Ce cool, t'en vas pas. Il a dit merci, merci, merci, mais pourtant, ce cool, t'en vas pas. Oh! Quelle heure il est de l'autre côté? Quelle heure il est? Ça veut rien dire sur le monde. Reste un peu encore, s'il te plaît. Reste. Tu fais toi que je suis arrivé. On a dit putain, So Cool, il fait tout le show. Putain, c'est la jam de So Cool. Il n'y a pas de place depuis tout à l'heure. Y a, putain, il n'y avait que 5 personnes qui peuvent rentrer dans ta jam depuis toute la soirée. Putain, mais reste! So salut, cool, mec. S'il te plairait. Je suis. Putain. Il est là. Bien sûr qu'il est là, vous êtes là. Mais vous êtes là, reste encore un peu, s'il te plaît, reste. On s'est préparé pour pouvoir venir sur ta chaîne, on a dû. On a fait des kilomètres pour avoir deux personnes sur un seul channel. Ah, voilà! Voilà. Des tas de kilomètres dans les potes. Tu sais qu'on est là pour le coup d'état, tu sais qu'on est là, hey, oh. Tu sais qu'on est là, ouais, ouais, ouais, là. Tu sais qu'on est là, tu sais qu'on est là pour le coup d'état. Il revient, il a, he had to reboot. Catelo, otra más, porfa. Eres el duende, eres el señor. Oh, el señor de los hongos. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens, samba, samba, pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens, il y a pas trop de gens. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens pour des. Pour rien avec trop de gens, encore, encore. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Samba, samba, samba. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Samba, samba, ça. Ok. Oh là, ça marchait fort. Je me suis mis à toucher tout le monde. Qui révolutionnait le monde. Ça va y aller. C'est bien, c'est qui rigolo ce que c'est maintenant. C'est bien. Ouh, j'ai lâché tous les moutons. Bon les amis, je suis ici là. Non, juste une petite clarification les gars, j'ai entendu quelque chose là. Je ne suis pas Caldoche, je suis un pur canac pickball les mecs. Shrooms. Non, allez, c'est l'option. Je vais suivre. Hein. Lancez le beat là. Par exemple, la batterie, c'est pas moi. Tu me le dis quand je le fais durer trop longtemps. Tu me dis. Par exemple, la batterie, c'était pas moi. Bonjour, Océan. Et là, oui. Ça dépend de vous les gars, si vous êtes prêts pour ça là, je la charge là sur mon loop là, et puis on part sur ça. Il y a un piano, je pense qu'à la base Jam Taba il pourra se démerder là, et puis t'as une batterie aussi également, et puis ma partie gratte également en cocotte. Si on fait ça que vous êtes en train de démarrer actuellement là, puis on fait la mienne juste après. Ok. Et la vôtre alors. C'est comme vous voulez, y'a pas de soucis. On fait la vôtre, y'a pas de soucis, les gars. Oh putain. Et soudainement c'est comme je m'enfonce mollement. Look like I fall, I wanna say nothing but it falls. Oh now it's too late, I'm failing pressure. I do. Don't mind the mieux que ça. Il veut tout faire, c'est comme tout puissant lui aussi. Éternel, qui se croit tout puissant, il a raison. Putain, mais moi aussi je comprends, mais grave, courage. Ça fait, mais c'est la dernière, après demain il travaille. Putain, je dis ça tous les jours. Claude François, il a dit en Claude François. Attends, parce qu'on lag, nous. C'est nous, on lag. Ah oui, il faut que je te raconte, il y a plein de trucs, c'est vrai, qui ont changé. Est-ce que t'es obligé de te me dire ce qui te passe pas? Non mais quand c'est important. Oui voilà, ça vaut beaucoup de partager. Quand ça touche des fondamentaux. Mon alignement aussi, parce que tu sais que c'est ma vie, que j'ai des gens tordus et que je dis des choses à propos de gens tordus et tout ça aussi. Et donc il y a une meuf complètement tordue qui me dit qu'elle est un peu tordue, puis je le vois. Et puis elle me dit mon papa est chef des gens pas tordus. Et je dis pourquoi pas. Là, son père il est chiant, il me demande d'aller chez lui. En fait, des trucs un peu chiants, mais bon, ouais, ok. Moi je dis ok. Parce que je suis sympa. Toi, tu dis ok, parce que t'es sympa. Là, tu dis... Et puis en fait, le mec il est trop sympa. Toi, tu dis ok. Et puis en fait, le mec il a géré toute l'équipe de rugby. C'est le médecin principal de l'équipe 1. Ça, je le savais pas. Et moi, quand je dis de la merde sur toute l'équipe 1 que j'ai un peu vue à l'internat et que je dis le truc, et ben en fait, il est là. Et puis quand je dis les noms de famille des gens qui étaient là, lui il dit le nom d'eux. Et puis je dis, ah oui, moi je les connais, du coup c'était vraiment eux. Donc le mec il est vrai. Et puis quand j'arrive dans l'endroit où je dois le masser, en fait, il a plein d'instruments de musique, ça a l'air trop sympa. Trop sympa le gars. Puis en fait aussi. Il fait de l'ostéo et puis ça tape, c'est merdique. Il a même sympa. Pas d'appui tête. Il est trop gros pour rester dessus. Il a pas un coussin. Et dans la pièce où il me reçoit, il fait 40 degrés. Donc genre, je transpire ma race. Mais c'est quand même sympa, il a été en fait fort. C'est un rhinocéros. J'avais la confirmation du vieux éléphant de la troupe aussi. Et ça c'est bien. Attention, il est pas de la mer. Et là à la fin de la séance, au moment où je dis vas-y c'est cher, c'est cher. Ben le game dit tiens je te fais un cadeau. Il m'offre son bouquin en fait. Oh. chercher un CEO. Que j'attendais. Earth, you know, oh, we va. Mais j'ai pas d'autres paroles en tête à part que le ciel bleu. Sur mon chevaux, la nuit est noire. Je ne sais pas, il est quelle heure chez vous, mais chez moi le ciel est bleu et il fait chaud, du chez chaud. Yeah. to play with you. Yeah. Oh yeah. Oh, C'est un peu d'un coup le regard se croise. Après c'est une histoire. précise d'où ils viennent, ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement, simplement. Un samedi soir sur la terre, et je pense que vous êtes samedi soir sur la terre. Mais les gars, un samedi soir sur la terre. Samedi, il est samedi, vous restez à la piole, quoi. Un samedi soir sur la terre. Ils se parlent, ils se frôlent, ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent. Ils sont obligés de se toucher, tellement la musique est forte. Thank you. normalement. Puissamment. Finalement, si on t'avait dit, finalement, dans cet océan, finalement, se débattre, c'est gênant. Tu le sais, tu le sens, tu le sais, exactement. Oh, je vous...